Il est où mon pote, pote? Il est où mon bloc, bloc? Il est où mon choc, choc? Il est où mon glock, glock? Elle est bonne la tasse, vas-y fais la passe. Il faut qu'on la casse, je l'ai vu dans la tête. Ce soir j'suis trop pété, j'vais tout vous dire la vérité. Moi j'ai jamais choupé qui que ce soit, tu peux vérifier. Les gens inventent des stories, aiment trop en rajouter. Ok, la mistress poli, j'suis à deux doigts de t'insulter. Et au charbon ça fait le million, ça peut être le Dom Pérignon. Avant tu me disais non, et maintenant tu me trouves mignon. Bon, ça pète le million, ça pète le Dom Pérignon. Avant tu me disais non, et maintenant tu me trouves mignon. Il est où mon pote, pote? Il est où mon bloc, bloc? Il est où mon choc, choc? Il est où mon glock, glock? Elle est bonne la tasse, vas-y fais la passe. Il faut qu'on la casse, je l'ai vu dans la tête. Il est où mon pote, pote? Il est où mon bloc, bloc? Il est où mon choc, choc? Mon pote, tu connais le bis. Tu viens de sortir 4 bis. Attends, je vais te donner mon 10. Ça fait que charbonner 13ème Marcel l'usine. Faut de la monnaie, histoire de stailler d'ici. Trop